بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، عودة إلى رسالة الشيخ عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى، التي عنون لها بتنبيه للألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والارتياب. نغذنه لبيتخ دو الشيخ عبد الله الوصابي رحمه الله، عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى، qui est au Yémen, dont le titre est « Attirer l'attention de ceux qui sont doués de raison, comme quoi il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation et du doute. » Wa ba'da muqaddimat Cheikh Yahya al-Hajouri wa muqaddimat Cheikh bada'a bil bab al-awwal wa huwa dilalat al-kitab wa sunna ala tahrim al-dirasa 'inda ahli al-bid'ah. Après l'introduction qu'a fait Cheikh Yahya al-Hajouri hafidhahu Allah ta'ala, l'introduction du Cheikh Abdullah Soumali, il a commencé par le premier chapitre qui est les preuves du livre et de la sunna, comme quoi il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation. Il nous a cité tous les versets, maintenant avec le hadith. فَمَرَّتْ مَعَنَا الْآيَاتِ وَتَفْسِيرُ الْآيَاتِ وَالْآنَ مَعَا الْآحَادِيثِ. Et nous avons vu les versets, maintenant c'est avec les hadiths. يقول حفظه الله وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، لكن كما أننا ذكرنا فيما سبق آيتين مع ما تيسر من تفسيرهما، فكذلك نذكر هنا حديثين مع ما تيسر من شرحهما. Il dit contre au hadith à ce chapitre là, c'est à dire au niveau, quel chapitre on est, lequel les preuves comme quoi il est interdit d'étudier chez qui? Chez les innovateurs et chez les gens du doute. Donc au niveau de ça aussi, les hadiths sont nombreux. Il a dit, comme j'ai cité deux versets, je vais citer aussi deux hadiths avec leur interprétation. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، وفي رواية لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والشاهد من الحديث ظاهر لكل من له عينين يبصر بهما. Et il nous rapporte le premier hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, qui dit dans son authentique Abu Hurayra radhiyallahu anhu, dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, va être à la fin de ma communauté des gens qui vont me parler des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous citez, ni vous ni vos parents n'avez entendu parler des choses qu'ils vont vous citer. Et dans une autre version, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, attention à eux, évitez-les, attention à eux, évitez-les, éloignez-vous d'eux. Et dans une version, ils vont vous égarer et vous amener dans le fitna. Attention qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous amènent pas dans le fitna. Et le témoignage du hadith, il est clair. Il n'y a pas besoin de commentaires. Et il est très clair. Celui qui a une clairvoyance et qui a des yeux, le témoignage dans le hadith, il est clair comme quoi il est interdit d'apprendre chez les innovateurs. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهما. Et l'imam Nawawi رحمه الله عليه, quand il a fait l'exégète du Sahih Muslim, il a fait chapitre l'interdiction du fait de transmettre de ceux qui sont faibles et de faire très attention à ce qu'on apprend d'eux. Ce qu'on prend d'eux, il faut faire très attention. وَأَيْضًا فَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا مِنْ مُبْتَدِعِينَ مِنْ مُبْتَدِعِينَ مِنْ مُبْتَدِعَةِ زَمَانِنَا إِلَّا وَيَسْتَدِلُّ بِأَحَادِيثَ مَكْذُوبَةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضَعِيفَةٍ لِأُمُورٍ مِنْهَا جَهْلُهُمْ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ وَمِنْهَا النُّصْرَةُ لِبِدَعِهِمْ ومذاهبهم الباطلة بأحاديث ضعيفة حتى وإن علموا أن الحديث ضعيف فيستدلون به إسكاتا للأتباع الذين يتعلق بهم البحث. إلي حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله الصومالي، إلي Il rajoute à tout ça, chaque innovateur, parmi les innovateurs de notre époque, hein, il va chercher des preuves dans les hadiths du prophète. Il va même aller chercher des hadiths qui sont mensonges, du mensonge sur le prophète, ou des hadiths qui sont faibles, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils sont ignorants de la science du hadith, d'une part, et deuxièmement, parce qu'ils cherchent quelque chose pour triompher la voie sur laquelle ils sont, et triompher les innovations sur laquelle ils sont. Ils vont les faire triompher comme les innovations n'ont pas de preuve dans la parole d'Allah ni dans l'authentique de la Sunna. Avec quoi ils vont les faire triompher? S'ils sont du mensonge sur le prophète ou du hadith faible. Même s'ils savent, ils ont connaissance que le hadith il est faible, ben ils le prennent pour faire taire les disciples. Pour garder les disciples. Ils ne disent pas que le hadith est faible. Ils le gardent comme ça. Comme ça, hein? Ceux qui sont en face, ils ne vont pas perdre les disciples. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima min hadith Abi Musa al-Ash'ari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala innama matalu al-jalisi as-salih wal-jalisi as-su' ka hamil al-misk wa nafikh al-kir fa hamil al-misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله إيه dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari رضوان الله عليه il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple. Regardez ce noble exemple, ce exemple clair pour s'éloigner des gens de l'innovation, ceux qui suivent leur passion, et les pervers, et tout ce monde-là, tu dois t'en éloigner. Il a dit, allez, ça, certes, l'exemple du bon compagnon, et du compagnon vertueux, et l'exemple du mauvais compagnon, hein, c'est comme le vendeur de musc, le vendeur de parfum, et le maréchal ferron, hein, celui qui travaille le fer, hein, ou là, ce qu'on appelle maintenant les soudeurs, avec les étincelles qu'ils font. Mais l'image du maréchal ferron est encore plus forte. Parce que le maréchal ferron, quand il sort le fer du four, il le jette dans de l'eau et ça fait une odeur nuisibonde, tu ne peux pas tenir. Donc ça imprime tes vêtements, et etc. Et donc tu pars. Ces tes vêtements ne sont pas troués de feu, les étincelles avec lesquelles qui sortent du feu, bah tu auras des odeurs horribles sur tes vêtements quand tu pars à la maison. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vendeur de parfum, soit tu vas lui acheter, et donc tu vas acheter quelque chose de bon, soit il va te faire goûter, hein, il va te parfumer, et tu partiras avec des bandes dedans. Mais quant au maréchal ferron, hein, soit tes vêtements vont devenir comme un tamis, plein de trous, par les étincelles, soit tu vas partir avec une mauvaise odeur, l'odeur du fer quand il le jette dans le seau pour le... Hein. فيقول الشيخ حفظه الله فيؤخذ من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مجالسة أهل السوء وفي مقدمتهم الكفار والمبتدعة محرمة لأنه صلى الله عليه وسلم مثل بمجالستهم مجالسة نافخ الكير إلدي حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله إلدي أمبخون. Cet exemple que nous a donné le prophète dans ce hadith prouve que le fait de s'asseoir avec les gens du mal et en priorité avec les mécréants et les innovateurs est interdite. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a donné comme exemple le maréchal ferron. Yaqul fa kama anna nafikh al-kir imma an yuhriq thiyabak wa imma an tajida منه ريحا منتنة فكذلك مجالسة أهل البدع إما أن يفسدوا عليك عقيدتك فتصير من أهل الضلال والعياذ بالله وإما أن تبقى محتارا مشككا من أمرك على أقل الأحوال ولست بسالم من الإثم إلا أن تذهب منكرا عليهم إلدي حفظه الله تعالى. Car le maréchal ferron, soit il va brûler tes vêtements, soit tes vêtements vont être imprégnés d'une mauvaise odeur. Et il dit, il en est de même du fait d'être dans l'assise des innovateurs. Soit tu vas rester dans le doute, dans ta situation, soit tes croyances vont devenir mauvaises, elles ne vont plus correspondre, elles vont être plus conformes aux croyances du prophète alayhi salatu wassalam et du puiseur d'Allah alayhi. Soit tu vas devenir parmi les gens de l'égarement, al-'aïdou billah. Soit tu vas être dans le doute de toutes les situations. Et ça, c'est la moindre des choses, que tu restes dans le doute dans toutes les situations. Et tu n'es pas épargné du péché non plus. Tu n'es pas épargné du péché, sauf si tu te lèves et tu blâmes ce qu'ils font. Et tu blâmes leur innovation. Et sans ça, tu n'es pas épargné du péché. Donc il faut faire très attention avec qui tu t'assois et de qui tu veux apprendre. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عند الحديث باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ثم قال فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم جليس الصالح بحامل المسك وجليس السوء بنافخ الكير. الإمام النووي رحمه الله عليه يدي dans l'interprétation de صحيح مسلم il dit il est préféré chapitre il est préférable d'être avec dans l'assise des gens vertueux et de s'éloigner des gens du mal. Et il a dit parce qu'il y a dedans la ressemblance qu'a donné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la ressemblance au bon compagnon au vertueux, à celui qui vend le parfum, et le mauvais compagnon au maréchal ferrant. Yaqul wal kalam lil imam Nawawi rahimah Allah وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس ويقتل فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة انتهى كلام النووي رحمه الله يجي الإمام النووي رحمه الله عليه يلي فيغتو دو فيت دالي شيرشي les assises des vertueux, et des gens du bien, et des gens qui ont le bon comportement, et des gens qui s'éloignent du mal, et qui ont la science. Et dedans aussi est le fait, l'interdiction du fait de s'asseoir avec les gens du mal, avec les gens de l'innovation, avec ceux qui médisent sur les gens, et avec ceux dont la perversité, qui parlent mauvais, et qui tout le temps, leur langage est très mauvais, il faut s'en éloigner. Et parmi tous les actes blâmables, tout ça, il faut s'en éloigner. Wa qala al-hafidh fi al-fath 'inda al-hadith Ibn Hajar rahmatullah alayhi, en interprétant ce hadith, wa fi al-hadith an-nahy 'an mujalasati man yata'adda bi mujalasatihi fi ad-din wa ad-dunya wa at-targhib fi mujalasati man yuntafa'u bi mujalasatihi feehima. Et al-hafidh Ibn Hajar a réuni ça dans une phrase qui est claire. Il y a dedans l'interdiction de s'asseoir avec quelqu'un qui va te faire, dont la compagnie va te faire du mal dans ta religion et dans ton bas monde. Donc l'innovateur, lui, va te faire du mal dans ta religion. Et il y a aussi dedans le fait de t'inciter à chercher l'assise de ceux qui vont être bénéfiques dans ta religion et dans ton bas monde. يقول حفظه الله تنبيه اعلم أنه ما من آية ولا حديث يدل على تحريم مجالسة أهل السوء والباطل من المبتدعة وغيرهم إلا ويدل أيضا على تحريم الدراسة عندهم من باب أولى. Il dit, il attire l'attention sur un paragraphe. Dans la fin de ce paragraphe, il dit, il sache tout verset et tout hadith qui prouve qu'il est interdit de s'asseoir avec les gens du mal, avec les gens du faux, avec les innovateurs, ils diront leur compagnie, cela prouve, ce hadith et ce verset prouve comme quoi, en priorité, il ne faut pas apprendre chez eux, il ne faut pas apprendre avec eux, ni chez eux. En priorité. Yaqul, « Wa inni la'arifu anna hadha at-tanbih mafhoumun inda kathirin min al-uqala » ولكني أتيت به لئلا يبقى في قلوب من يتمسح بالدراسة عند أهل البدع أدنى شبهة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Il dit, je sais que ce point sur lequel j'attire l'attention, il est compris par beaucoup de ceux qui ont des raisons, qui sont doués de raisons. Il dit, mais je l'ai ramené ici pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté dans le cœur de ceux qui vont vers les gens de l'innovation. Hein? Et qui disent, bon, nous on apprend juste chez eux. Hein? Qu'il ne leur reste plus d'ambiguïté. Ils n'ont plus d'excuses. Ils disent, c'est ce verset qui dit, hein? Pour que périsse celui qui périt avec preuve, et soit sauvé celui qui doit être sauvé avec preuve. يقول باب بيان أن أهل البدع دعاة على أبواب جهنم. Il dit chapitre, le deuxième chapitre de sa risala, éclaircissement sur le fait que les gens de l'innovation ce sont des prêcheurs sur les portes de l'enfer. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Il cite le verset où il dit, ça c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. C'est ce qu'il vous a ordonné et ainsi vous allez arriver à la piété, vous allez acquérir taqwa. Et regarde, quand il a parlé de son chemin, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son chemin, il a utilisé le singulier. Et quand il a parlé des chemins qui ne sont pas les chemins d'Allah, il a utilisé le pluriel. Le chemin d'Allah, et salat mustaqim, il est unique. Et les chemins de l'égarement et des passions sont nombreuses. Yaqulu hafidhahullah wa akhraj al-imam Ahmad والنسائي والمروزي في السنة والبغوي وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط للصحابة خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية. Et il dit, Cheikh de nous rapporter ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, imam Nasa'i, il Marwazi dans Sunna, il Baghawi aussi, rahmatullahi alayhim jami'an, et d'autres, il le rapporte à Ibn Mas'ud, ridwanullah alayhim. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait aux compagnons, un trait. Il a dit, ça c'est la voix d'Allah. Et à côté de ce trait, à droite et à gauche de trait, il a tracé des traits. Un seul trait au milieu qui est la voix d'Allah, qui est Sirat Mustaqim. Et à chaque côté, à droite et à gauche, d'autres traits, beaucoup de traits. Hein? Et il a dit ça, ce sont les chemins, en parlant des traits à côté de la ligne droite, il a dit ça, ce sont les chemins. Il y a à la tête de chaque chemin, au bout de chaque chemin, il y a un shaitan qui appelle. Hein? Il appelle vers cette voie-là. Et il a cité le verset que Cheikh vient de nous citer. Ça, c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. يقول وأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن النواس بن سبعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط يقول داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ في قلب كل مسلم. Et l'imam Ahmed nous rapporte un autre hadith que rapportait l'imam Ahmed rahmatullah alayh et Tirmidhi. الحديث ذو النواس بن سمعان رضي الله عنه كي يديك الرسول صلى الله عليه وسلم وغادي كالله سبحانه وتعالى دوني ان اكزومبل على la voie droite et il a dit cette voie droite a deux murailles de chaque côté deux murailles de chaque côté une muraille à droite et une muraille à gauche et ces deux murailles il y a des portes qui sont ouvertes et sur ces portes ce sont des rideaux qui sont jetés. Des rideaux, hein, qui sont jetés sur ces portes qui sont ouvertes dans, dans les deux murailles, la muraille de droite et la muraille de gauche. Et sur la porte d'El-Sirat, un prêcheur qui appelle, venez vers Sirat tous. Et ne vous divisez pas, et ne restez pas en spectateur. Et un prêcheur de l'intérieur de Sirat, de la voix qui dit, chaque fois que quelqu'un veut ouvrir un rideau, il lui dit, attention, malheur à toi, si tu l'ouvres, tu vas y rentrer. De l'intérieur du Sirat, il y a un avertisseur qui dit, chacun qui veut dévier sur la droite ou la gauche pour enlever le rideau pour rentrer, malheur à toi, si tu l'ouvres, tu vas y rentrer. Et Sirat ici, comme l'a expliqué la sallallahu, c'est l'islam. Les deux murailles à droite et à gauche, ce sont les limites que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracées. Et les portes qui sont ouvertes dans les murs, les deux murailles, ce sont ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et ce prêcheur à la tête d'Yal Sirat, c'est le livre d'Allah. Et ce prêcheur sur le Sirat, c'est cet exhorteur qu'il y a dans le cœur de chaque croyant. Qui lui dit Andak. عندك وقال ابن أبي حاتم في تفسيره عند الآية السابقة حدثنا أبو سعيد الأجش حدثنا أبو أسامة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال البدع والشبهات البدع والشبهات Et Ibn Abi Hatim, dans son exégète dit le Coran concernant le verset, et ça c'est ma voix droite et suivie là, il a dit qu'il leur a été dit par Abu Sa'id al-Ajash, il a été dit qu'Abu Usama leur a dit, que Shibl leur a dit, le rapportant d'Abi Najih, qui le rapporte de Mujahid, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne suivaient pas les chemins, et les chemins vont vous disperser de la voix d'Allah, et a dit ça, ce sont les innovations et les ambiguïtés. Ce sont les innovations et les ambiguïtés qui sont concernées par ce verset. يقول الشيخ حفظه الله وهذا الأثر والكلام لا زال نقل لي أبي حاتم وهذا الأثر صحيح إلى مجاهد ورجاله ثقات غير أن بعضهم قد نفى سماع ابن أبي نجيح كل التفسير عن مجاهد قال الذهبي في السير وعن بعضهم قال لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير عن مجاهد قلت هو أخص الناس عن مجاهد والقائل هنا الإمام الذهبي رحمه الله انتهى كلامه رحمه الله et cette preuve ici elle est authentique jusqu'à Mujahid et les gens de cette chaîne comme quoi les innovations les chemins ce sont les innovations et les ambiguïtés les gens de cette chaîne ce sont des gens de confiance Et certains ont nié le fait que Abi Najih aurait entendu toute l'interprétation du Coran de Mujahid. Dahabi commentant ça, il dit, dans Sir, ils disent que certains disent que Mujahid, Abi Najih n'a pas entendu toute l'interprétation du Coran chez Mujahid. Il dit, je dis que Abi Najih, c'est le plus particulier de Mujahid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été particulier, c'était un des particuliers de Mujahid. Donc la parole qu'ils disent, de ceux qui disent comme quoi il n'a pas entendu toute l'interprétation de Mujahid, n'est pas à prendre en considération. وتعقب الذهبي هنا يدل على أنه لم يرضى ذلك القول وكان ابن عيينة يصحح تفسيره، والذين نفوا سماعه التفسير عن مجاهد قالوا الواسطة بينهما معلومة وهو القاسم بن أبي بزة، فتبين من ذلك صحة الأثر والله أعلم. Et le fait que Dahabi a commenté cette parole ici, qu'il n'a pas accepté cette parole de ceux qui avancent comme quoi Abi Najihin n'a pas entendu toute l'interprétation de Mujahid, dit Ibn Uyayna authentifie l'interprétation de Abi Najih. Et ceux qui nient le fait qu'il a entendu l'interprétation de Mujahid, ils disent que l'intermédiaire entre lui, entre Abi Najih et Mujahid, c'est le Qasim ibn Abi Bazza. Il dit, partant de là, il est clair que cet attar il est authentique. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. يقول وقال ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية ولا تتبعوا السبل، يقول لا تسلكوا طريقا سواه ولا تركبوا منهجا غيره ولا تتبعوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوتان وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات. فتفرق بكم عن سبيله، أي إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبيل ولا طريق. تتفرق. ابن جرير nous rapporte ici la parole de Ibn Jarir Tabari rahmatullah alayh dans l'interprétation de ce verset. Il ne suivait pas les chemins. Il ne prenait pas un autre chemin que le chemin d'Allah. Il ne prenait pas une autre voie que la voie d'Allah Azza wa Jal. Il ne suivait pas une autre religion. Qui est en divergence avec la religion de l'Allah, que ce soit le judaïsme, le christianisme, ou la religion des adorateurs du feu, ou ceux qui adorent les statues, ou autres. Car tout ça, ce sont des innovations et de l'égarement. Il dit, ça va vous diviser de la voie d'Allah. Ça va vous éloigner de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si vous suivez ces chemins innovés, qui ne sont pas les chemins d'Allah, ben vous allez être éloigné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال القرطبي في تفسير الآية وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، قاله ابن عطية رحمه الله تعالى. قلت وهو الصحيح، ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس. القرطبي dans l'interprétation concernant ce verset, il ne suivait pas. Ça c'est ma voie droite, suivez-la, il ne suivait pas les autres chemins. Il dit, ces chemins englobent le judaïsme, le christianisme, la religion de ceux qui adorent le feu, la religion des les zoroastristes. Et les différentes voies, et les gens de l'innovation, et de l'égarement, et les gens de l'innovation et de l'innovation, et les marginaux qui ont pris des marginalités dans certaines branches, et ainsi de suite parmi les gens qui vont à l'extrême, dans la polémique, dans la dissertation et dans la philosophie. Il dit, tous ces chemins-là se sont exposés à l'égarement, et amènent vers l'égarement, et amènent vers des mauvaises croyances. Tout ceci a été dit par Ibn Atiyya, rahimahullah ta'ala. Il dit, cher, il dit, et c'est ce qui est authentique. Ainsi, il a été cité par Tabari dans le livre de Adab al-Nufus. يقول ثم أطال القرطبي رحمه الله تعالى في الكلام على أهل البدع ونقل أقوال السلف فيهم فأحسن وأفاد، ولولا خوف الإطالة لذكرته كله وأذكر في هذا البحث الفقرة الأخيرة من كلامه رحمه الله. الشيخ عبد الله بن نذير القرطبي a été long. Le fait de parler sur les gens de l'innovation, il nous a transmis les paroles du puiseur d'Allah Alain. Il a dit, il a fait très bien, il l'a fait à la perfection. Il dit, si je n'ai pas peur que ce soit long, j'aurais tout cité. Mais il dit, je vais citer juste la fin de sa parole. يقول ومضى في النساء وفي هذه الصورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في الآية، ثم بين في سورة النساء وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به، فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Qurtubi rahimahullah ta'ala. Il dit, et dans surat Nisa, et dans ce verset aussi, dans cette surah aussi, il y a l'interdiction, qui dit ça, Qurtubi, l'interdiction du fait d'être en compagnie, de s'asseoir avec les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Et celui qui s'assoit avec eux, il a le même hukm, le même jugement qu'eux. Hein? Il a le même jugement qu'eux. Il est jugé de la même façon qu'eux. Et il ramène le verset. Et si tu vois ceux qui disent n'importe quoi sur le verset d'Allah, il a dit ce verset. Et puis le verset qu'il y a dans Sourat Nisa, alors que Sourat Nisa est une Sourat qui est médinoise, dont il y a le châtiment pour celui qui agit ainsi. C'est-à-dire le châtiment de qui ? De celui qui agit ainsi, qui agit comment ? Qui reste avec les gens de l'innovation ? Qui reste avec ceux qui disent n'importe quoi sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura le même châtiment qu'eux, parce qu'il a été en divergence avec leur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qui dit, il vous a été descendu dans le livre, si vous entendez qu'on mécroit, on est versé d'Allah, ou qu'on se moque des versets d'Allah, ne restez pas avec eux, hein, jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si vous ne le faites pas, vous êtes comme eux. Vous êtes comme eux. Donc quoi, on va être comme eux si on reste avec eux. Donc, châtiment à l'islam. Fa, يقول الشيخ, fa alhaqa al-Qurtubi, fa alhaqa man jalasahum bihim. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكموا بموجب هذه الآيات في مجالسة أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم الإمام أحمد والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم كثير رحمة الله عليهم. إيه il dit حفظ رحمه الله تعالى les paroles sont toujours à القرطبي. Il a mis dans le même sac ceux qui s'assoient avec eux. C'est-à-dire que celui qui reste avec des gens, dans le verset, il dit quoi ? Il est comme eux. C'est-à-dire qu'il sera châtié du même châtiment qu'eux. Et il les a mis dans le même sac. Et un grand nombre d'imams de cette communauté, c'est-à-dire les imams de science, ont émis la sentence, hein, comme quoi celui qui s'assoit avec les gens de l'innovation, qui est avec eux, qui a de la sympathie avec eux, qui est tout le temps avec eux, hein, ben c'est, ce verset le concerne. Ce verset le concerne. Et ce qui découle de ce verset, comme jugement, le concerne. Hein. Et parmi ceux qui ont allé dans cette voie-là, il nous a cité que trois. Et c'est pas des moines. C'était l'imam Ahmad rahimahullah, hein, l'Auza'i, Ibn al-Mubarak, qui sont ceux-là. Les grandes montagnes de science et les grands imams de cette communauté. يقول والكلام للقرطبي فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعلون في الحكم. Ils disent, en parlant d'eux, des grands imams de la communauté, et parmi eux ceux qu'il a cités, il dit, ils ont parlé d'un homme de l'une qui s'assoit, qui se mélange avec les gens de l'innovation. C'est-à-dire, on l'avertit. Hein, on le met en garde. Et s'il s'abstient, il ne va plus avec eux. S'il ne s'abstient pas, ben dans ce cas-là, il est comme eux. Il est comme eux dans quoi ? Dans le jugement. Dans le jugement, il est comme eux. Donc la situation n'est pas aussi simple que ça. Fais pas travailler ta raison dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le chemin d'Allah. وقد حمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحد على مجالسة شربة الخمر وتلا هذه الآية إنكم إذا مثلهم. Et Omar ibn Abdelaziz Il a donné la sentence de celui qui boit du vin à tout simplement ceux qui sont en compagnie de ceux qui boivent du vin alors qu'ils ne boivent pas. Il leur a donné la même sentence, le même hukm. Il a récité ce verset, il a dit vous êtes comme eux, c'est-à-dire dans le hukm. Il leur a impliqué le hukm qui est impliqué à ceux qui boivent du vin. Et ça, ça fait partie de la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux imams de la communauté. Rahimahullah. قيل له أي لعمر بن عبد العزيز إنه يقول إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم قال ينهى عن مجالستهم فإن لم ينتهي ألحق بهم انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى هنا دي عمر بن عبد العزيز il dit qu'il s'assoit avec eux il est dans leur compagnie pour il est en différence avec eux sur ce qu'ils font mais il leur réplique il a dit On l'avertit contre le fait de s'asseoir avec eux. S'il s'abstient, sinon, dans le jugement, il est comme eux. Ici s'arrête la parole de Imam al-Qurtubi. Alors, qu'est-ce qu'il en est de nous Regarde, les imams, comment ils agissent et comment ils étaient. Et qu'est-ce qu'il en est de nous qui n'avons pas le biaba de la langue arabe et nous voulons débattre avec les tiblirs, nous voulons débattre avec les tkfirs, nous voulons débattre avec tout le monde Nous voulons s'asseoir avec eux, soi-disant, je prends le vrai, je jette le faux. Comment tu peux faire pour prendre le vrai et jeter le faux? Comment tu vas faire, Akhi l'Islam? Avec quoi? يقول والخلاصة أن أكثر المفسرين الذين وقفت على تفاسيرهم يذكرون عند هذه الآية حديث ابن مسعود وأثر مجاهد فبعضهم اكتفى بذلك عن تصريح تحريم استماع كلام أهل الأهواء وبعضهم صرح بذلك وبعضهم نقل تصريحات المتقدمين عليه يوم غزمي دي الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى La plus grande partie des exégètes qui ont fait l'interprétation du Coran, elle dit ceux qu'il a, ceux qu'il a visionné, qu'il a lu concernant ce verset, il a dit, il ramène devant ce verset le hadith de Abdullah ibn Mas'ud et l'Atar et la preuve de Mujahid. Et certains, ça leur a suffi tout simplement de mettre ça à côté. Atar d'Abdullah ibn Mas'ud et l'Atar de le hadith qu'on rapporte Abdullah ibn Mas'ud et l'Atar de Mujahid. Ça leur a suffi. De parler et de dire qu'il est interdit de prendre chez les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Et certains l'ont déclaré. Ils ont ramené ces preuves et en plus de ça, ils ont déclaré. Ils l'ont rapporté de ceux qui étaient avant eux parmi les hommes de science. Comme quoi, il est interdit de s'asseoir avec les gens de l'innovation et d'écouter ou d'apprendre chez eux. Wa akhraj al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa muslimun رحمة الله عليهم جميعا عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الشيخ حفظ الله تعالى يقول الإمام البخاري السخطي c'est-à-dire ramené dans son authentique الإمام مسلم aussi dans son authentique الحديث de أبي إدريس الخولاني Abi Idris a entendu de Hudayfat ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wallah. Les gens posaient des questions à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui était bien, sur le bien. Il dit moi je posais des questions à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur le mal pour que je tombe pas dans le mal. Il pose des questions pourquoi? Pour connaître le mal, pour ne pas tomber dans le mal. Il dit fa qultu ya Rasoul Allah إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فعل بعد هذا الخير من شر قال نعم Et il dit à رسول الله nous étions dans la période pré-islamique dans l'anarchie totale dans le mal total dans le paganisme etc et dans un grand mal et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené ce bien c'est-à-dire l'islam est-ce qu'après ce bien il y a un mal رسول صلى الله عليه وسلم يقول وي سختي يا مال أبريسا قلت وهل بعد ذلك الشر من خير il lui a dit à رسول الله et après le mal qui va suivre est-ce qu'il y aura un bien قال نعم وفيه دخن il lui a dit certes il y aura un bien après mais dans ce bien il sera tacheté de mal il y aura quelque chose qui ne va pas قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. Il lui a dit à Rasulullah, c'est quoi le mal qui va être dans ce bien? Il lui a dit, Rasulullah lui a dit, ce sont des gens qui suivent une autre voie que la mienne. Tu connais certaines choses parmi les actes qu'ils font, et certaines choses tu ne les connais pas. Il y a certaines choses que tu connais qui font partie de la sunna, mais il y a d'autres choses que tu ne connais pas parce qu'ils ne font pas partie de ma sunna ni de ma voie. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم et il a dit الرسول صلى الله عليه وسلم est-ce que après ce bien il y aura un mal الرسول صلى الله عليه وسلم lui a dit certes دعاة على أبواب جهنم من أجبهم إليها قذفوه فيها il lui a dit des prêcheurs après ce bien est-ce qu'il va y avoir un mal certes il va y avoir un mal il lui a dit c'est qui cela il a dit ce sont des prêcheurs sur les portes de l'enfer Celui qui répond à leur appel, il le jette en l'enfer. قلت يا رسول الله صفهم لنا. Il dit يا رسول الله, décris-nous ces hommes-là, pour qu'on les connaisse, pour qu'on fasse attention. قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Ils sont de la même race que nous. Ils parlent notre langue. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. Il lui a dit, يا رسول الله, qu'est-ce que tu me conseilles si je vis à ce moment-là? قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Il lui a dit, tu restes avec la communauté des musulmans et le groupe des musulmans avec leur gouverneur. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. Je dis, يا رسول الله, mais s'ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de gouverneur. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يدي يا délaisse tous ces groupes, va pas avec quelqu'un, délaisse tous ces groupes, même si tu mords sur le tronc d'un arbre, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tu es sur cette situation. Ça veut dire, éloigne-toi de tous ces groupes et de tous ces voix, irhamukallah, que ne sont voix la voix de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال النووي رحمه الله عليه في شرح الحديث قوله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة انتهى كلام النووي رحمه الله عليه. النووي de dire dans l'interprétation de ce hadith, ces prêcheurs sur les portes de Jahannam et celui qui leur répond, ils le jettent dedans. Les hommes de science ont dit, ceux-là ce sont les gouverneurs qui appellent à l'innovation et à l'égarement. Hein? Ou c'est le khawarij, ceux qui se révoltent contre eux, leur gouverneur et qui prennent les armes contre les musulmans, etc. Et qui rendent mécréants tout musulman qui tombe dans un péché capital. Il qaramita, c'est la tendance, ce qu'on appelle le batinia, ceux qui donnent des ils disent que la législation, il a une apparence. Et l'apparence c'est pour le commun, il a une interprétation intérieure. Les groupes de batinia qui sont nombreux. Hein? Parmi eux, il y a Rawaf, il y a d'autres qui rentrent dedans. Il y a Ubaidiyoun et d'autres. Et aussi les gens de l'épreuve, ceux qui ont éprouvé qui? L'imam Ahmed et d'autres. Ils les ont éprouvés avec quoi? Avec le fait de croire comme quoi le Coran est écrit. Hein? قال الحافظ في الفتح عنده قال عياض المراد بالشر الأول فتنة التي وقعت بعد عثمان والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى بدعة ويعمل بالجور الحافظ dans l'interprétation de Sahih al-Bukhari dit que Ayyad a dit, ce qu'il voulait avec le premier mal, c'est la fitna qui est arrivée à l'époque de Uthman ibn Affan, qui s'est soldée par l'assassinat de Uthman ibn Affan. Et ce qu'il voulait avec le bien après cette fitna, et après ce mal, ce qui est arrivé à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, la justice, etc. Et ce qu'il voulait avec ceux duquel tu connais certaines choses et tu ne reconnais pas chez eux certaines choses, ce sont les gouverneurs après Omar ibn Abdel Aziz Bah, il y avait parmi eux, après Omar ibn Abdelaziz, certains qui se cramponnaient à la sunna et qui étaient justes, et d'autres qui appelaient à l'innovation qui étaient injustes. يقولوا قلت والذي يظهر والكلام لي حافظ بن حجر قلت والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتنة الأولى الحافظ وكمونتير على parole de عياض il dit ce qui m'a paru c'est que ce qu'il voulait avec le premier mal c'est ce qu'il a dit c'est-à-dire la fitna qui est arrivée qui se soldait par l'assassinat de Othman ibn Affan وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية et le bien c'est l'union qui a eu entre Ali et Muawiya Cheikh Rabi حفظه الله تعالى il commente ce passage hein? il dit non pas ce qui est arrivé avec Ali ou Muawiya mais ce qui est arrivé avec Hassan et Muawiya parce que Hassan ou Hussein a laissé le pouvoir à Muawiya et il y a eu l'union du musulman et à cette année là les hommes de science l'ont appelé l'année de l'union ah, et la nuit du groupe. Ah. Fa يقول وبالدخل ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج وبالدعاة على أبواب جهنم من في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. Il dit la parole toujours il est al-Hafidh ibn Hajar الدخل le mal qui est dans le bien à leur époque. Ce qui était à leur époque, c'est les gouverneurs comme Ziyad en Irak, qui étaient en divergence, qui faisaient du mal, qui étaient tyrans, etc., et qui transgressaient la sunna, etc. Et aussi la voie sur laquelle était le Khawarij. Et il dit, les prêcheurs sur les portes de l'enfer, tous ceux qui ont demandé le pouvoir parmi le Khawarij, les révoltés et autres. Yaqul, ou le kalam da'iman li الحافظ ويؤخذ من الحديث دما جعل للدين اصلا خلاف الكتاب والسنه وجعلهما فرعا لذلك الذي ابتدعوه وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خلف الهدى النبوي ولو قاله من رفيع ووضيع انتهى ملخصا اي الحافظ اون ريزومي سي كوم لو رابورت شيخ عبد الله يدي اي اون روتيان دو حديث comme quoi tous ceux, le blâme concerne tous ceux qui ont fait de la religion des fondements et des hein, et qui ont fait des fondements qui sont différents, qui ont pris des fondements, qui ont instauré des fondements qui sont différents du livre d'Allah et de la Sunna. Ils ont fait que ce soit un détail. Ils ont fait que ça ce soit un détail pour l'innovation vers laquelle ils appellent. Il dit il y a dedans le fait de répliquer au faux et de répliquer à toute chose qui est en divergence et qui est contraire à la voie prophétique. Même de qui que ça vient, n'importe qui soit la situation de celui qui l'a dit. Et ici s'arrête la parole de Ibn Hajar rahmatullah alayh. C'est à quelle heure? قلت فقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل البدع ومن خالف الكتاب والسنة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فيا سبحان الله أين عقول من يبيح الدراسة عند من كان هذا حاله فهذا إما أن يكون مبتدعا من الدعاة إلى أبواب جهنم أو جاهلا ضالا أضل من حمار أهله لا يدري ما يخرج من رأسه فينصح فإن انتصح ولا يحدر منه نصيحة لدين الله عز وجل. Il dit, et la parole est à Cheikh Abdallah Somali, Hafidahullah Ta'ala, il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé, comme quoi les gens de l'innovation et ceux qui sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, ce sont des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Celui qui leur répond, ils vont le jeter en feu de l'enfer. Il dit, gloire à Allah, où sont parties les raisons de ceux qui autorisent le fait d'étudier chez ceux qui sont dans cette situation. Merci, c'est les innovateurs. Il dit, soit celui-là, celui qui autorise le fait d'étudier, c'est les innovateurs. Soit c'est un innovateur qui fait partie des portes, des prêcheurs qui sont sur les portes de l'enfer, ou soit c'est un ignorant égaré, qui est plus égaré que l'âne de sa mère, ou l'âne de sa famille. Et il ne sait pas ce qui sort de sa tête. Il dit, celui-là, on lui donne le conseil, ou il prend le conseil, ou alors, par conseil à la religion de Allah, on avertit contre lui. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum Allahu khairan.